Gautier, c'est beau d'aménager votre espace tout en contribuant à ménager l'environnement. Avoir un chez-soi fabriqué chez nous, en Vendée, c'est beau de jolis meubles qui résistent à tout, au temps et même à vos enfants. Et des meubles à la mesure de votre mode de vie, c'est beau aussi. Rendez-vous sur gautier.fr. Gautier, fabricant français depuis 1960. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, quand l'amour donne des ailes. L'épisode que nous allons vous raconter se déroule le 26 mai 1986. Ce jour-là, la maison d'arrêt de la santé à Paris devient le théâtre d'une évasion spectaculaire. L'opération est d'une audace hors norme. Le plan, lui, est parfaitement exécuté. Ainsi, en l'espace de quelques minutes, le dénommé Michel Vaujour, braqueur multirécidiviste, retrouve le chemin de la liberté par hélicoptère. Aux commandes de l'appareil qui vient le délivrer, Nadine, sa femme, oui, sa femme. Par amour, elle vient de prendre tous les risques pour affranchir son homme des murs du pénitencier. Exceptionnel à bien des titres, l'exploit du couple va faire la une des médias et son histoire va très vite inspirer le cinéma, forcément. En 1992, sort en salle le film intitulé « La fille de l'air » avec Béatrice Dalle. Après le récit, pour revenir avec nous sur les zones d'ombre de ce dossier, nous recevrons la journaliste Patricia Touranchot. Elle a rencontré Michel et Nadine Vaujour, elle les connaît, elle est l'auteur de plusieurs articles de référence sur cette affaire. Vous entendrez également l'étonnant témoignage du spécialiste aéronautique de Radio France, Michel Polacco, qui, et c'est le fruit du hasard bien sûr, a pris ses cours de pilotage d'hélicoptère avec Nadine Vaujour. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Réussir à s'arracher d'une prison et tout ce que ça représentait pour moi la prison, c'était vraiment une grande exaltation. Il y avait quelque chose de... franchement jouissif, en tout cas pour moi. Voilà. Ou pour le jeune mec un peu exalté que j'étais. Oui, il y avait quelque chose de jouissif, franchement. Mais oui. Et là, j'ai su que, quoi qu'il vienne, je m'évaderais encore. J'étais dans mon rôle, la prison, je m'évadais. Parce que pour moi, la prison, c'était ça, on s'évade. La prison, c'était fait pour ça, vraiment. Une fois, j'ai dit, je ne sais plus à qui j'ai dit ça, mais j'aurais pas été étonné à ce moment-là, c'est vrai, d'ouvrir un dictionnaire et trouver prison, endroit où il faut s'évader. Quoi. J'ai fonctionné vraiment comme ça. Hein. La scène que vous venez d'entendre se déroule au printemps 2008. Ce jour-là, la réalisatrice Fabienne Godet enregistre le témoignage d'un ancien détenu passé maître dans l'art de l'évasion. Sur la vidéo, on aperçoit en gros plan le visage fatigué, vieilli de cet homme de 57 ans. Sur la bande-son, on découvre sa voix rauque, à moitié cassée. Elle nous livre les détails d'un parcours hors norme. Celui d'un individu qui est resté plus de la moitié de sa vie derrière les barreaux, dont 17 à l'isolement. Un personnage dont le nom hante toujours les couloirs des maisons d'arrêt autant qu'il fait trembler les murs des prisons, c'est Michel Vaujour. Face à la caméra, l'ancien roi de la belle, auteur de 5 évasions, se livre sans détour et avec une étonnante facilité. À la manière d'une confession qu'il ferait dans un parloir à son avocat, il dévoile ici son intimité, sa vie de saltimbanque et son combat pour rester libre. Ce n'est pas la première fois que Michel Vaujour se met en scène et raconte son histoire au grand public. Quelques années plus tôt, on l'a déjà aperçu sur les plateaux de télé et à la radio. Invité au même titre qu'une star de cinéma, il fait alors la promotion de son livre « Ma plus belle évasion ». Un récit autobiographique dans lequel il revient, entre autres, sur l'épisode qui a fait sa gloire et qui depuis l'a fait entrer dans la mémoire collective. Son élitreuillage de la prison de la santé en mai 86. Le jour où, en plein cœur de Paris, il a joué la fille de l'air au nez et à la barbe des autorités pénitentiaires. Pour de nombreux chroniqueurs judiciaires, Vaujour profite alors de cet air du temps qui veut qu'on s'extasie devant un repris de justice désormais repenti. Mais il y a quelqu'un qui n'accepte pas que l'ancien braqueur raconte cette aventure à la première personne. Et pour cause, c'est Nadine, son ex-femme. Car le jour de l'évasion, c'est elle qui pilotait l'hélicoptère, c'est elle qui a lancé le filin de la liberté. Une audace qu'elle paiera de 18 mois de prison ainsi qu'un accouchement entre les quatre murs d'une cellule. À sa sortie en 1988, Michel la harcèle. Il veut qu'elle le fasse sortir de nouveau. Nadine refuse, Michel la largue pour une autre. Si l'histoire d'amour du couple s'arrête là, à la fin d'un parloir, au détour des couloirs froids et sinistres d'une prison, le récit de leur aventure continue de hanter Michel. Tout comme il continue d'alimenter les questions. Qui se cache derrière le masque de Michel Vaujour? Comment a-t-il rencontré Nadine, son ex-femme? Et enfin, comment sont-ils arrivés à mettre au point la plus incroyable des évasions? Pour le comprendre, il est nécessaire de se plonger dans la France de la fin des années 60, au cœur d'un événement dont on célébrera dans 8 mois le cinquantenaire. Mai 68, Paris s'enflamme. L'ampleur du mouvement est inédite. Sur les barricades, plusieurs dizaines de milliers de personnes crient leur colère et réclament un changement social, économique, culturel. Dans cette foule d'anonymes, un gamin de 17 ans fait ses premières armes contre l'autorité. Il vient de Châlons, dans la Marne. Il a les cheveux blonds et porte un vieux jean. Son lance-pierre à la main, il esquive les jets de gaz lacrymogènes et les charges des CRS. Dans les rues de Paris, il marche, il court, il prend des coups, il en donne. Michel Vaujour est en première ligne. Enfant, il aimait le tir et l'escalade. Il venait devenir prêtre, ce qui n'est pas forcément incompatible, mais bon. Les années passent et l'idée s'envole. À quelques mois de sa majorité, le jeune homme se cherche donc un avenir. Il enchaîne des petits boulots, d'abord dans les usines, puis dans les ateliers. Il agrémente son quotidien par des vols. Il se bagarre aussi. À la fin de l'automne 68, il rentre à Châlons. Il retrouve la vie au pied des barres HLM. Mais dans cet univers de béton, il a son rayon de soleil. Elle s'appelle Zabeth. Elle est jolie, elle lui sourit, Michel tombe sous le charme. Ensemble, ils vivent en pleine insouciance. La nuit, lorsque les rues de Châlons sont désertes, Michel vole des voitures et emmène sa belle en vadrouille. Au fil des mois, une routine s'installe. Les véhicules disparaissent et réapparaissent ailleurs. Mais un matin, Michel oublie les précautions d'usage. Il garde l'objet de son délit en bas de l'appartement. La police sonne très facilement à la porte. Elle l'interpelle tout aussi facilement. Mais la jeune femme, parce que le jeune homme, lui, arrive à s'enfuir. Quelques semaines plus tard, les policiers le rattrapent. Premier séjour en prison. Derrière les barreaux de la maison d'arrêt de Châlons, Michel Vaujour découvre l'univers carcéral. Le temps des parloirs, le temps de la crainte et de la peur. Un temps où il apprend à vivre entre quatre murs, sans intimité, sans liberté et toujours sous la contrainte. De son côté, l'avocat du jeune homme reste optimiste. Après tout, il s'agit pour son client d'un premier délit de surcroît sans violence. Il sait que, dans ce cas, les juges accordent souvent le droit à une seconde chance. Oui, mais pas cette fois. Mauvaise pioche. Et lorsque la sanction tombe, elle est brutale. 30 mois de prison ferme et 5 ans d'interdiction de séjour dans sa région natale. Du jamais vu, scande son avocat. Dans le box, Michel, lui, est abasourdi. J'avais 19 ans et en l'espace d'une heure, je venais de comprendre que mon avenir était mort. Oui, mort. Désormais, il n'y avait plus que la prison, la grande trique pour 2 ans et demi. Après, en guise de libération, eh bien, ce serait l'exil, loin de ma famille, de mes amis, de celles que j'aime. Bref, de tous ceux à qui je tiens. Lorsqu'on m'a ramené en cellule, je me suis mis à faire les 100 pas. J'allais et venais dans cet endroit de 2,20 m de large par 6 m de long. Je marchais et marchais, en me posant toujours les mêmes questions. Pourquoi m'avait-il appliqué une telle peine? Pourquoi voulait-il que je m'acquitte d'une sentence qu'on réserve d'ordinaire aux malfrats professionnels? Pourquoi était-il aussi injuste avec moi? Deux ans plus tard, Michel Vaujour sort de la maison d'arrêt de Châlons. Le jeune homme n'est plus le même. À tout juste 22 ans, il reprend sa route et s'installe dans le sud de la France. Les mois passent, mais la douleur reste. Le souvenir de sa bête le hante. Il l'appelle. Oui, mais maintenant elle vit avec un autre. Envahi par l'émotion, Michel brave l'interdiction de séjour et remonte dans la Marne pour la rejoindre. Mais en chemin, les gendarmes l'interpellent à bord d'une voiture volée. Alors il s'enfuit, il court comme un dératé, manque de se noyer. Mais rien n'y fait, les agents l'arrêtent. Nouveau passage par la casse-prison. Cette fois, à Mâcon, en Saône-et-Loire. Vaujour sort après plusieurs mois et là tout s'accélère. Il a besoin d'argent, il ne trouve pas de travail. Alors il prend la tangente et se lance dans les cambriolages. Une activité bien plus lucrative que les vols de voitures, mais encore plus risquée. Surtout lorsque, comme Michel, on manque d'expérience. Résultat, les policiers le coffrent de nouveau et le juge le renvoie en prison, là où, par définition, selon le théorème de Vaujours, on pense à un moment ou un autre de s'évader. Bon, de là à franchir le Rubicon, c'est une autre histoire. Mais pas pour Michel, qui, lui, n'a peur de rien, et il va tout faire pour y parvenir. Sa première tentative est d'ailleurs très audacieuse. Un après-midi, alors qu'on charge un camion dans la cour de la maison d'arrêt, il se faufile le long des murs, se cache, puis bondit lorsque les grilles s'ouvrent. Il bouscule un gardien, et quelques mètres plus loin, ça y est, il est dehors. Libre, simple comme vos jours. Mais la cavale ne dure qu'un temps. La police lui remet la main dessus. Michel retourne en détention, et là encore, il s'évade. Cette fois, en pleine nuit. Il scie les barreaux de sa cellule, saute dans la cour, escalade le grand mur qui donne sur l'extérieur. En une fraction de seconde, il est de nouveau libre. Après, eh bien, vous avez deviné, il est aussitôt repris. Et il va là où vous savez, là où on s'évade. Cette fois, il copie les clés des gardiens avec la cire des fromages Babybel et transforme la prison en gruyère. Mieux encore, et comme dans un film, il ouvre lui-même les portes du pénitencier. Après tout, pourquoi gêner ? Michel Vaujours s'évade ainsi pour la troisième fois en 3 ans d'une prison française. Repris de justice et repris de justesse, tel semble être son destin. Mais là, il devient l'homme le plus recherché de l'Hexagone. Ensuite, le jeune voleur plonge dans la spirale du délit, braquage, cambriolage. Les banques et les guichets des stations-service deviennent son nouveau terrain de jeu. À chaque fois, Michel utilise des armes factices. Mais lorsque la police l'arrête en 1975, on lui fait payer ses crimes et ses évasions au prix fort. Oui, il prend 15 ans et on lui offre une place en quartier de haute sécurité, la totale. Car dans les oubliettes de la République, les conditions de détention sont terribles. Ombre et silence d'un cachot. L'expérience aurait pu le détruire, mais non, elle le transforme. Il arrête de fumer, se plonge dans le yoga et la méditation. Il passe des jours, des semaines et des mois à réfléchir sur son prochain projet d'évasion. Il a le temps. Et sortir devient obsessionnel. Or, cette fois, il sait qu'il ne peut rien tenter. Il doit attendre une opportunité extérieure. Celle-ci se présente au bout de 4 ans, en 1979. Ce jour-là, on l'emmène au tribunal de Chalon pour une audition chez le juge. Michel en profite. Il se fabrique un pistolet en savon et une fois dans le bureau du magistrat, il passe à l'action, comme en témoigne le procureur. Une fois dans le bureau, il a été débarrassé de ses menottes, il s'est assis et le juge d'instruction a procédé à l'interrogatoire, lequel a duré 2 heures. Au bout de 2 heures, il a demandé à satisfaire un besoin naturel. Les gardiens l'ont escorté jusqu'aux toilettes et ensuite il a réintégré le bureau. L'interrogatoire s'est poursuivi pendant une demi-heure. Brutalement, il s'est levé, il s'est précipité vers le juge d'instruction après avoir porté sa main dans l'entrebâillement de sa veste où il a saisi un pistolet. Il l'a appliqué sur la nuque du juge et a exigé d'être libéré. Il est sorti avec elle tout en se servant de son corps comme d'un bouclier et il a enfermé à l'aide de la clé les 3 gardiens et le greffier à l'intérieur du bureau. Là-dessus, il a lâché son otage et il est parti en cours. Commence une nouvelle cavale. Vaujours fait quelques casses, par-ci par-là, et pour survivre, et pour l'aider dans sa fuite, il peut compter sur Gilles, l'un de ses anciens compagnons de cellule. Celui-ci lui trouve une planque et lui prête de l'argent. Il lui présente même sa sœur. Elle s'appelle Nadine. Nadine a 25 ans, elle est secrétaire, elle vit avec sa mère. Elle a déjà un enfant en bas âge. En l'espace de quelques semaines, la jolie brune tombe sous le charme de Michel, ce clandestin aux bonnes manières. Ensemble, ils disparaissent des écrans radars. Ils partent vivre dans la Drôme. Pendant 2 ans, ils goûtent à la liberté et au bonheur. Elle, Nadine, tient un magasin de brocante, lui, Michel, continue les braquages. L'ex-détenu subit plusieurs opérations de chirurgie esthétique. Son visage change, il obtient de nouveaux papiers, mais ses empreintes digitales, bien sûr, restent les mêmes. Et ce sont elles qui le trahissent. Les policiers remontent alors la trace de Vaujours. Il débarque un matin sans prévenir à leur domicile dans la Drôme. Il coffre Nadine, celle-ci est enceinte. Il place son premier enfant à la DAS. Michel, lui, tient quelques semaines. Mais au mois de septembre 1981, il tombe à son tour. Une page de leur histoire se tourne, une autre s'ouvre, celle de la séparation, celle du traumatisme de la prison, comme l'écrira plus tard Nadine dans son livre autobiographique intitulé « La fille de l'air ». Au terme du délai légal de la garde à vue, je suis présentée à un juge. Celui-ci m'explique que je vais être placée en détention préventive. On ne me laisse pas le temps de comprendre ni d'acquiescer que déjà, on me remet les menottes et on m'emmène dans les sous-sols du palais de justice. Derrière l'entrée d'un sas, une estafette de police attend. On m'installe à l'arrière. Le véhicule repart en trombe. Destination la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Une fois sur place, deux autres gardiens m'escortent jusqu'au greffe. Nous traversons un couloir bordé de cellules. J'avance sans voir. Soudain, j'entends un cri. C'est Michel qui m'appelle. Je me retourne et je le vois. Il est accroché au barreau de sa cage comme une bête. Il hurle. Nadine, ne te laisse pas mettre en prison ! De l'entendre me déchire. Et tout au long de ce couloir qui n'en finit pas, son cri m'accompagne. Nadine, ne va pas en prison. Pas toi. Non, pas toi. Pas toi. Il est trop tard. Devant moi s'étend un univers noir dont je ne connais rien. On me prend en photo. On me prend mes empreintes. Je me retrouve nue. On me fouille. Comme je suis enceinte, ils décident de m'envoyer à Fresnes. J'arrive sur place en pleine nuit. Je marche droit comme un automate. Des douleurs aiguës me parcourent les jambes et le dos. Ma tête bourdonne. Me voilà face à ma cellule. Je me jette sur le lit et je me laisse engloutir par la nuit. Les semaines, puis les mois passent et c'est la routine mortelle de la détention, le jour sans fin. Nadine accouche à Fresnes. Michel, lui, navigue entre les cellules de Fleury-Mérogis, de Bois d'Arcy et de la Santé. Pour communiquer, le couple s'envoie des lettres et utilise leur avocat. Nadine veut se marier avec Michel pour lui prouver sa confiance. Michel accepte. Et le 27 mai 1982, ils s'unissent en prison. Ils sont désormais monsieur et madame Vaujour. Et comme le veut le serment, ils sont prêts à tout pour se porter assistance et entraide. Après un an et demi de détention, Nadine sort de prison. La jeune femme a le visage fatigué, usé, marqué. Elle retourne vivre chez sa mère avec son bébé et elle reprend son travail de secrétaire. Pour autant, elle ne se sent pas libre, car Michel, lui, est toujours enfermé. Nadine refuse de l'abandonner à son sort. Elle comprend alors que c'est à elle d'agir. Il n'était plus possible de le laisser là-dedans. Il fallait que nous nous retrouvions, que nous partions ensemble. Implacable, les autorités pénitentiaires allaient le détruire lentement, par le désespoir ou la folie. Nous devions trouver une solution. Oui, mais laquelle ? Comment l'aider à sortir de là ? Comment l'évader de cet enfer ? Il nous fallait trouver un moyen sûr. Un moyen qu'auparavant, jamais personne n'avait essayé. Un moyen qui serait utilisable ici, autant qu'ailleurs. Dans le plus grand secret, Nadine s'entoure de son frère Gilles et de quelques amis proches de Michel. Ensemble, ils jettent les premières pierres d'un plan d'évasion. D'emblée, la jeune femme pose deux conditions sine qua non. Pas de violence, pas d'armes à feu. Chacun accepte. La libération de Michel devra donc se faire sans effusion de sang. Bien. Mais comment réussir à le faire évader, lui qui est désormais un détenu particulièrement surveillé ? Eh bien, le déclic, c'est Nadine qui va l'avoir. Un jour, qu'elle feuillette un magazine, elle découvre une annonce publicitaire « Devenez pilote d'hélicoptère ». Et à cet instant, une idée folle l'envahit. Oui, une idée qui ne va plus la lâcher. Grâce à l'argent que lui fournit son frère, Gilles, Nadine s'offre une formation de pilote à 2000 francs de l'heure. Elle, qui ne connaît rien à la mécanique, apprend à manœuvrer une machine de 2 tonnes et de plus de 550 chevaux, plus difficile à piloter qu'un avion, dit-on. Pendant des mois, tard le soir, après son travail, elle potasse les formules de physique, elle apprend la navigation aérienne, la réglementation, la météo. Mais la nuit, les cauchemars l'envahissent. Si elle échouait, si elle se tuait. Quelque temps plus tard, d'ailleurs, la mort va venir frapper à la porte des époux Vaujour. Gilles, le frère de Nadine, se tue dans un braquage. La jeune femme est sous le choc. Elle aurait pu tout abandonner, elle aurait pu tout laisser tomber, mais non, non. Elle promet à Michel qu'elle ira jusqu'au bout. Et à la fin de l'année 85, après 4 ans de séparation, Nadine Vaujour est enfin prête. Elle lance le compte à rebours avant son passage à l'action. Lundi 26 mai 1986. Ce matin, le temps est clair et ensoleillé sur la région parisienne. À 10h du matin, une femme se présente à l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École, situé à 20 km à l'ouest de Paris. Elle loue un hélicoptère sous le nom de Léna Rigon. Elle prétend faire partie d'une mission de repérage photographique au-dessus de la banlieue. Bon, le propriétaire accepte. Quelques instants plus tard, l'appareil décolle. Il se dirige vers le boulevard périphérique, puis disparaît. Sa radio, elle, ne répond plus. Et le pilote, la pilote en l'occurrence, n'apparaît plus au contrôle radar. Au même moment, à la prison de la Santé, en plein cœur de la capitale, c'est l'heure de la promenade. Les détenus sortent dans la cour. Parmi eux, un certain Michel Vaujour. Et l'homme ne semble pas particulièrement agité. Parmi la vingtaine de mecs présents autour de moi, certains papotent, d'autres rigolent. Les joueurs de foot tapent dans le ballon. Les joueurs de cartes s'assoient à leur table. Chacun fait comme à son habitude. Derrière la grille, le maton de service va et vient. Il nous regarde, il nous observe. Moi, je ne fais pas attention. Je n'ai pas que ça à faire. J'étale mon tapis de sol sous la pluie. Je m'agenouille et j'entame mes respirations de yoga. Ce matin, j'ai mis des chaussettes rouges et mon survêtement bleu. C'est voyant. Mais qui parmi eux peut s'imaginer qu'il s'agit là d'un signal? Qui peut se douter qu'à la fenêtre d'un immeuble voisin, il y a quelqu'un qui m'observe et que cette même personne va donner le top départ de mon évasion? Dans les minutes qui suivent, un énorme vrombissement se rapproche de la prison de la Santé. Les vitres se mettent à vibrer. Un souffle puissant entre dans la cour de promenade. Les détenus, incrédules, lèvent leurs yeux au ciel. Et là, sortis de nulle part, ils aperçoivent un hélicoptère blanc. À son bord, il y a deux personnes. Aux commandes, c'est une femme. À ses côtés, un homme brandit une arme et jette un grand sac en toile noire dans la cour de promenade. Deux détenus se précipitent pour le récupérer. Le premier d'entre eux, c'est Michel Vaujour. Le second, c'est un jeune détenu dénommé Pierre. Du sac, les deux hommes sortent une arme à poing et une canne à pêche télescopique avec au bout un crochet et une corde. Les deux candidats à la cavale enjambent alors un grillage et tentent de gagner un premier toit. Au-dessus, l'hélicoptère se maintient en vol stationnaire. À bord, l'un des complices met en joue les surveillants. Grâce à la canne à pêche, Michel lance un filin au-dessus du toit. Puis, dans un balai acrobatique, à la limite de la chute, lui et son compagnon d'évasion montent d'étage en étage par la façade de la prison. Au prix d'un effort physique considérable, ils arrivent à se hisser sur le toit en quelques minutes. Présent à son balcon dans un immeuble voisin, un jeune étudiant raconte la scène. Au moment où je l'ai vu, cet hélicoptère était tout près du toit de la prison, hein, près du centre de la prison, près d'une coupole. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'un évadé, il y en avait deux sur le toit. Il y en a un qui s'est agrippé au patin de l'hélicoptère. Il est ensuite monté. Et des gens, enfin, quelqu'un qui avait dans l'hélicoptère, je pense qu'il y avait deux personnes dans l'hélicoptère. On l'a aidé d'en haut. Et ils sont partis tout de suite. Le deuxième évadé n'a pas pu, si vous voulez, il a tendu la main. Et c'est un geste quand même qui frappe. Il a tendu la main pour s'agripper encore à son tour au patin de l'hélicoptère. Et l'hélicoptère est parti. Alors que l'hélicoptère disparaît au-dessus de Paris, la plus grande confusion règne dans la prison, bien sûr. Les gardiens, eux, hallucinent. Vous aussi ? Ne quittez pas. La suite de cette aventure nous réserve encore bien des surprises. S'échapper, s'évader, choisir ses chaînes à la télé. Le journal, Frédéric Désert, bonsoir. C'est une jeune femme d'une trentaine d'années, petite, menue, les cheveux châtains. Comme elle le fait régulièrement depuis 6 mois, elle se présente ce matin à l'aéroport de Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines pour louer un hélicoptère. On la connaît sous le nom de Léna Rigon. Elle a un brevet de pilote en bonne et due forme. Et ce matin, elle était accompagnée d'un homme avec un sac de sport. Tout est normal jusque-là. Elle embarque dans un hélicoptère Alouette 2, celui qu'elle a l'habitude de louer, et elle s'envole. Il est 10h30. Léna Rigon met le cap sur Paris, et c'est là que commence l'une des plus spectaculaires évasions de ces dernières années. Sur le toit de la prison de la Santé, Michel Vaujour attend. Il vient d'être condamné à 18 ans de réclusion pour vol à main armée. Le filin de la liberté descend de l'hélicoptère. Lundi 26 mai 1986, une heure après la spectaculaire évasion de la prison de la Santé, les policiers retrouvent l'hélicoptère. Il est à l'arrêt, posé là, sur un terrain de football de la cité universitaire, à proximité du boulevard périphérique. Vide, aucune trace de Michel Vaujour, ni de la femme qui pilotait l'engin. Au même moment, la chasse à l'homme commence. On installe des barrages filtrants sur les routes, on procède au contrôle de tous les trains et bus au départ de la capitale. On diffuse des photos. Mais rien n'y fait, les Bonnie and Clyde du Mirador restent introuvables. De leur côté, les policiers de la répression du banditisme prennent le dossier en main. Ils interrogent les surveillants de la prison de la Santé. Tous sont encore sous le choc. Le gardien-chef parle d'un coup inimaginable. Pierre, le second détenu qui a tenté de s'évader avec Vaujour et qu'on a rattrapé sur le toit, ne livre aucune information aux enquêteurs. Michel l'aurait prévenu au dernier moment que quelque chose allait se passer, puis il a voulu tenter sa chance, voilà. Mais l'élément qui retient l'attention des policiers, ce sont les armes, le pistolet, le fusil d'assaut utilisé lors de l'évasion qu'on a retrouvé abandonné dans la cour de promenade. Eh bien, il s'agit de grossières imitations, tout comme d'ailleurs les grenades lancées depuis l'hélicoptère, des armes factices, des fruits peints en noir. De leur côté, les enquêteurs sont persuadés que la clé du mystère se cache chez la femme qui a loué l'hélicoptère un peu plus tôt dans la matinée, logique. Ils l'interpellent à son domicile. Elle s'appelle Léna Rigon. Et là, il découvre une femme qui ne correspond pas du tout au profil d'un pilote casse-cou, non. Quelque chose cloche, d'autant que la dite Léna Rigon dispose d'un solide alibi. Ce qui n'est pas le cas de sa cousine, une femme du même âge et qui sur les photos lui ressemble beaucoup, une certaine Nadine Vaujour. Autrement dit, Nadine aurait emprunté les papiers de sa cousine pour s'inscrire à des cours de pilotage et louer par la même occasion un appareil en banlieue parisienne. C'est ce que confirme Claude Roumet, le propriétaire de l'hélicoptère, au micro de France Inter. Elle avait une licence de pilote avec sa photo dessus qui était parfaitement en règle. Maintenant, si ce n'était pas le bon nom qui était dessus ou ça, nous ne pouvons pas le savoir. Vous êtes un professionnel, d'après vous, c'était une bonne pilote d'hélicoptère ou une débutante? Elle avait affiché chez nous 40 heures de vol, c'est-à-dire un débutant. En vérité, il semblerait qu'elle en ait plus de 200. C'est une bonne pilote, déjà. On voit la manière dont elle fait voler la machine, vous savez. Est-ce qu'il y a longtemps qu'elle venait voler chez vous? Elle faisait ça régulièrement? Environ 6 mois, une moyenne de 2 fois à peu près par mois, 2-3 fois par mois. Elle payait régulièrement ses heures de vol. L'heure de vol coûte 2200 francs. Et elle venait toute seule voler ou avec des amis? Elle est venue seule, elle est venue avec des amis. Vous savez, nous, je vous dis, on a une boîte qui fait de la location. Hein, quand quelqu'un loue, bah, ma foi, c'est comme quand Hertz loue une voiture, vous voyez. Le lendemain de l'évasion, mardi 27 mai, les recherches se poursuivent sur tout le territoire. Mais toujours aucune trace de Michel et Nadine Vaujour. Les enquêteurs n'ont pour l'instant aucune piste sérieuse. Alors, ils continuent d'auditionner les proches et la famille du couple. C'est à ce moment-là qu'apparaissent dans la presse les premières polémiques sur cette affaire. Dans les colonnes du journal Le Monde, on s'interroge de manière, disons, critique sur l'état des prisons françaises et leur capacité à confiner les détenus les plus dangereux ou ceux qui, justement, sont susceptibles de s'évader. Sur les ondes de Radio France, le journaliste Michel Polacco dénonce, lui, l'absence de tout dispositif de sécurité aérienne au-dessus de la capitale. C'est dans les colonnes du journal France Soir qu'on trouve la mèche qui va enflammer le débat. Selon des journalistes du quotidien, la police était au courant du projet d'évasion aérien des époux Vaujour. Oui, un an plus tôt, Michel avait été jugé pour une tentative d'évasion à la prison de Fresnes. Son avocat, maître Antoine Deguin, se souvient alors avoir découvert l'existence d'un mystérieux rapport de police. Il est exact qu'à l'occasion de cette tentative d'évasion se trouvait un rapport de la police faisant état que l'épouse de Michel Vaujour prenait des cours d'hélicoptère et semblait même avoir déjà obtenu un brevet de pilote. Ensuite, les jours, puis les semaines passent. Les policiers doivent se rendre à l'évidence. Michel et Nadine Vaujour se sont volatilisés. Une rumeur, jamais vérifiée, court à leur sujet. On dit qu'ils seraient partis en Amérique du Sud grâce à une filière d'exfiltration pour anciens criminels. On dit qu'ils vivraient là-bas avec un hypothétique magot, fruit des précédents braquages de Michel. Personne ne se doute alors que le couple le plus recherché de France va bientôt faire un surprenant retour à la une. Paris, 26 septembre 1986. Des hommes au visage maquillé et armé pénètrent dans une agence du Crédit Lyonnais dans le 20e arrondissement. En quelques instants, ils dépouillent les réserves de cash au guichet. Lorsqu'ils ressortent, une patrouille de police leur barre la route. Les braqueurs sont pris la main dans le sac, c'est qu'à le dire. Une fusillade éclate, l'un des otages est blessé. Un policier prend une balle dans la jambe. Puis c'est l'un des braqueurs qui reçoit un projectile en pleine tête. Il s'effondre. Les pompiers le prennent en charge. À leur arrivée à l'hôpital, les médecins découvrent avec stupeur que cet homme, entre la vie et la mort, est un ancien détenu, passé maître dans l'art de l'évasion. Joli coup de filet pour la police française qui vient de mettre la main sur l'un des plus célèbres couples du banditisme français. Michel et Nadine Vaujour, qui avaient défrayé la chronique il y a 4 mois de cela, lors de l'évasion de la prison de la Santé à bord d'un hélicoptère, sont en effet tombés. Lui, Michel, dans un hold-up raté hier à Paris. Elle, Nadine, ce matin, dans une maison de Palérac en Dordogne où elle s'était réfugiée. Après une semaine de coma, Michel Vaujour se réveille dans un sale état. La balle de 357 Magnum qu'il a reçue durant la fusillade est toujours dans son crâne, ce qui le rend désormais hémiplégique. Alors que son état nécessiterait un traitement de rééducation, on décide de le renvoyer sans ménagement en cellule. Infirme à plus de 50%, Michel n'est plus capable de se tenir debout, encore moins de se déplacer. Pour Nadine, enceinte pour la seconde fois de Michel, c'est aussi un retour par la casse-prison. L'arrestation a été brutale. La jeune femme est encore sous le choc. Au fil de leurs interrogatoires, les enquêteurs découvrent que le couple n'a en réalité jamais quitté la France. Il s'est d'abord caché dans les Vosges, puis les Vaujours ont loué une maison et une voiture sous un faux nom en Dordogne. Et puis est arrivé le moment où ils se sont retrouvés à court d'argent. C'est ce qui a poussé Michel vers cette ultime casse à Paris, itinéraire classique d'un couple en cavale. Jugée comme complice, Nadine Vaujour prend 18 mois. Elle accouchera pour la deuxième fois en détention. À sa sortie, elle retrouve le triste sort réservé aux femmes de tôlard. Seule dans un HLM avec 3 enfants à nourrir, elle enchaîne les heures de bureau comme secrétaire. Elle fait des centaines de kilomètres chaque week-end pour voir Michel au parloir. Il a le moral à zéro. Sa paralysie est une deuxième prison, une double peine. Nadine aurait pu partir, mais non, elle refuse de l'abandonner. Ça s'appelle l'amour. Oui, mais avec ses limites tout de même. Et lorsque Michel lui réclame de l'argent pour payer des complices dans le but de s'évader à nouveau, là, Nadine est ferme, cette fois c'est non. Grâce à la valeur de son livre autobiographique, La fille de l'air, et grâce au droit d'adaptation au cinéma, Nadine achète une maison à la campagne pour élever ses enfants. Pour Michel, c'en est trop. Alors le braqueur se braque. Il refuse de lui adresser la parole et il finit par rompre. Quelques temps plus tard, alors qu'elle continue malgré tout de rendre visite à Michel, Nadine découvre à la sortie d'un parloir une jeune femme de 23 ans. Cette jolie brune, du nom de Jamila, est étudiante en droit et visiteuse de prison. C'est elle qui a pris sa place dans le cœur de Michel. C'est elle, maintenant, qui va dès lors l'aider à s'évader. En 1993, à 2 reprises, Jamila tente de refaire le coup de l'hélico en prenant en otage un pilote. 2 tentatives couronnées par 2 échecs et un passage, bien sûr, par la casse-prison. C'est que la jeune femme n'a pas le talent de Nadine. Elle n'a pas non plus sa détermination. Jugée en 1996, Jamila plaide l'amour. Dans la presse, de nombreux journalistes évoquent l'hypothèse qu'elle a été ensorcelée par Michel Vaujour, influencée au point de mettre sa vie en jeu. Des critiques qui n'empêchent pas Michel et Jamila de se marier en prison en 1999, bis repetita. 4 ans plus tard, au mois de septembre 2003, Vaujour, le roi de la belle, l'homme qui a passé 27 ans derrière les barreaux et qui s'en est évadé 5 fois, bénéficie d'une remise de peine exceptionnelle. Et l'ancien braqueur se retrouve enfin libre. Mais d'où va-t-il s'évader maintenant? De ses souvenirs? De ses regrets amoureux? Lui seul a la réponse. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, quand l'amour donne des ailes, l'incroyable évasion des époux, bonjour. Notre invitée, Patricia Touranchot, bonjour. Bonjour. Journaliste, spécialiste du fait divers et des histoires de ce genre, bien qu'il n'y en ait pas beaucoup de ce genre. Avant de commencer cet entretien, je suis sûr que de nombreux auditeurs, notamment les plus jeunes, se demandent peut-être si l'histoire que nous avons racontée aujourd'hui est vraie, tant elle paraît tout droit sortie d'un film. Alors il est clair que lorsque la réalité dépasse la fiction, Affaires sensibles saute dessus, hein, comme sur une proie, évidemment. Vous en avez couvert des faits divers. Est-ce que celui-là est également pour vous un morceau de choix ? Ah oui, exactement, parce que en fait, c'est ce couple. Nadine, c'est pas un bandit, quoi. C'est pas la femme de voyou habituelle. Mmh. Et pourtant, elle a fait quelque chose d'extraordinaire pour sauver son mec dont elle était folle amoureuse. Et d'ailleurs, quand elle a réussi. Quand elle était prête avec ses cours de pilotage d'hélicoptère, alors qu'elle savait même pas changer un pneu de bagnole et qu'elle détestait les engins très masculins comme des hélicoptères, mais bon, elle l'a fait. Et avant de se lancer, elle a envoyé le message à Michel à travers les murs de la prison sur une radio pour Tolar, une émission qui s'appelait Raël et Murs, et elle lui a envoyé comme message: l'amour donne des ailes. Et Michel, dans sa cellule, comprenait que ce serait le lendemain, donc le 26 mai 86, que Nadine viendrait le délivrer. Donc oui, c'est pas de la fiction, c'est une très belle histoire réelle, quoi. Quels sont les ingrédients de la fascination de cette histoire ? C'est le mode opératoire, parce qu'il est vraiment très spectaculaire, ou c'est jusqu'où peut mener l'amour, ou les deux, j'imagine ? Oui, les deux, parce que le mode opératoire, en plus, que comme l'histoire a été mise en scène via Béatrice Dalle dans le film La fille de l'air, cette histoire, tout le monde la connaît. Donc c'est à la fois la personnalité de cette amoureuse, hein, qui est capable de faire ça. Et puis le mode opératoire totalement rocambolesque, parce qu'à l'époque, c'est pas la première, mais c'est la deuxième, enfin c'est l'une des premières évasions en hélicoptère en France. Et d'ailleurs, elle fera des émules, parce que la même année 86, le chef du gang des postiches, André Belaïch, qui était emprisonné à la prison de Rebibbia à Rome, a été évadé lui aussi en hélicoptère, par ses copains qui ont, en fait, eux, pris en otage un pilote d'hélicoptère de la Croix-Rouge et qui sont venus le délivrer. Et la presse italienne, à l'époque, titrait « Évasion à la franchise ». Mais la pionnière, c'était quand même Nadine Vaujour. Alors, Nadine Vaujour, vous l'avez vue, vous la connaissez, peut-être la voyez-vous encore, je ne sais pas. Parlez-moi d'elle un peu. Elle était invitée à mon pot de départ de Libération, comme plein de bandits, plein de policiers aussi, plein de magistrats. Il y avait une espèce de mélange à mon pot de départ de Libération en janvier 2015. Et Nadine, ce que j'aime bien chez elle, c'est que c'est une nana hyper simple, qui est une anti-héroïne. Ouais. Voilà, c'est pas une passionnariat. Elle ne comprend même pas comment son action pour sauver Michel, en fait, a été relayée, médiatisée comme ça dans la presse. Elle dit, mais je comprends pas, il devait pas y avoir d'actualité ce jour-là. Elle ne se rend pas compte quand même de... À la preuve qu'elle se rend pas compte. Non, elle dit, bon, ce que j'ai fait, c'était pas mal quand même. Voilà, elle dit ça. Quand même. Ouais. Mais pour elle, c'est pas un acte héroïque. Là où elle est fière d'elle, c'est d'avoir réussi à délivrer son homme, sans effusion de sang, sans prise de otages, sans armes, puisque, comme vous l'avez dit, les grenades qui ont été fabriquées sont des nectarines peintes en noir. Elle a un pistolet en plastique et il y a une maquette en fait de mitraillette. Donc elle, c'est une pacifiste, Nadine Vaujour, et elle ne voulait à tout prix, elle voulait pas qu'il y ait d'armes, elle voulait pas qu'il y ait de violence. Et d'ailleurs, elle essayait de pousser Michel ensuite à arrêter le braquage, parce qu'elle supporte pas ça. Elle s'est lancée dans cette histoire parce que les conditions l'ont forcée à le faire. Enfin, elle s'est retrouvée au pied du mur, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots. Mais sinon, elle n'aurait jamais eu cette vie romanesque, quoi. C'est les circonstances qui... Bien sûr, mais c'est quand même elle qui propose de le faire, hein. C'est elle qui propose de prendre des cours de pilotage d'hélicoptère pour faire ça. Alors, on va prendre au téléphone Michel Polaco. Bonjour Michel. Bonjour Fabrice. Alors Michel Polaco, vous êtes notre spécialiste aéronautique civile et militaire, d'ailleurs un spécialiste des questions de défense également. Rien de ce qui se volait n'échappait à Michel Vaujour, rien de ce qui vole ne vous échappe, et vous êtes vous-même pilote, et il se d'hélicoptère notamment, et il se trouve que vous avez pris vos cours d'hélicoptère avec Nadine Vaujour. Ça, vous le confirmez? Je le confirme, bon, absolument. En 1983, retour des États-Unis, je termine sur Alouette 2 avec deux personnes, Nadine Vaujour et le commissaire Charles Pellegrini, patron de la brigade de répression du banditisme. Ça, c'est fort. Le hasard est formidable aussi. Parfois. Alors, racontez-nous, Nadine Vaujour, le souvenir que vous en avez. Bah, écoutez, on avait des cours le samedi matin. On se retrouvait souvent tous les trois. On volait, il y en avait un qui terminait, un autre qui se préparait, un troisième qui partait. Et elle était assez aimable, conviviale. Bon, on n'avait pas de lien d'amitié, ni moi avec Pellegrini, ni elle avec moi ou Pellegrini. Mais bon, c'était quand même le grand flic de France. Moi, j'étais rédacteur en chef d'une grande radio France Inter, c'était pas rien. Je me souviens. Et on apprenait à piloter avec une jeune femme discrète et sympathique, qui se débrouillait bien. Elle se débrouillait bien, j'allais vous poser la question. Vous la sentiez habile? Oui, habile, et d'autant plus que, si vous voulez, c'était quand même difficile, parce qu'elle apprenait sur une Alouette 2, qui est une machine assez lourde déjà, avec une turbine. Il faut être très, comment dirais-je, précautionneux avec l'utilisation de la turbine. Enfin voilà, on vous confie pas une machine comme ça si vous n'êtes pas vraiment très rigoureux. Donc elle était rigoureuse. Et quel est votre regard de technicien du pilotage d'hélicoptère, pour le coup, sur l'opération Nadine Vaujour, c'est-à-dire s'approcher d'une prison, se mettre en stationnaire, être assez précis? Ça, c'est un exploit de pilotage, ou quand on sait piloter un hélico, on le fait? Non, c'est un exploit. D'abord, bon, n'oubliez pas, elle a mis plus de 2 ans pour passer 2 fois son brevet de pilote, pour arriver à louer un hélicoptère sous un faux nom. Ensuite, avec cette machine, qui n'est pas une machine très très performante, où elle devait embarquer, si mes souvenirs sont bons, 2 personnes, faire du stationnaire au-dessus d'une cour de prison avec le risque des feux des gardiens, faut vraiment être gonflé. Enfin, moi, j'aurais jamais osé, vous voyez. La machine était déjà difficile à tenir, elle avait très très peu d'expérience, le risque était très important, c'était complexe. Non, elle était très étonnante. Et quand nous avons appris, nous, Charles Pellegrini et moi, qu'en plus on avait pris nos cours avec elle et que c'était ce petit bout de femme sympathique qui avait osé tout ça, on était complètement effarés. J'imagine Pellegrini comme un grand flic qui se dit, tiens, j'avais à côté de moi quelqu'un qui allait être recherché par la police. Après, une petite question encore. On est toujours un peu curieux comme ça quand on fait des activités avec des gens. On leur demande pourquoi. Vous avez souvenir d'avoir demandé à Nadine Vaujour pourquoi elle prenait des cours? Oui, alors si vous voulez, on a pris des pots, vous voyez, donc on a discuté, mais elle avait des petites histoires tout à fait banales, tout à fait classiques, de quelqu'un qui s'intéresse à l'aviation, qui avait envie de piloter un hélicoptère. Bon, c'est assez courant, il n'y en a pas des milliers, mais ça n'avait rien de surprenant, et c'était pas du tout présenté par quelqu'un qui avait l'air suspect, qui avait l'air tendu, qui avait l'air de cacher quelque chose ou de préparer un sale coup, quoi. Vous voyez, pas du tout. Toute dernière chose, on s'est tous quand même étonnés du fait qu'on puisse prendre un hélico comme ça, survoler Paris, arriver sur une prison. Vous avez épinglé ça, je crois, dans l'un de vos articles, peut-être, le fait qu'on puisse, comme ça, entrer comme dans un moulin dans le ciel de Paris? Bah, si vous voulez, on peut toujours entrer dans un moulin. Le danger, c'est d'en sortir. Alors, à l'époque, on était bien avant Nadine Vaujour et bien avant, surtout, le 11 septembre. Donc, on pouvait y entrer relativement facilement, ce qu'on pourrait encore faire aujourd'hui. Les machines qui volent vont vite. En revanche, aujourd'hui, pour en sortir, ce serait beaucoup plus difficile, parce que on est prêt à intercepter des machines volantes qui viendraient au-dessus de zones interdites, qui ne sont pas que Paris. Hein. Il y en a une dans la lutte contre le terrorisme, notamment. Voilà, exactement. La lutte contre le terrorisme a tout changé. Merci infiniment, Michel Polaco. On va continuer la discussion en écoutant rapidement ce qu'en a dit le garde des Sceaux de l'époque. Ça va pas être très facile à tenir comme position. Il s'appelait Albin Chalandon. La seule chose que l'on peut dire, c'est que cette évasion spectaculaire est naturellement difficile à éviter, puisque lorsque l'on a construit les prisons, on ne pensait pas encore à l'existence des hélicoptères. Mais ce qui est tout à fait sûr aussi, c'est que depuis 1982, une modification du régime des détenus est intervenue dans les prisons. On a supprimé les quartiers spéciaux réservés à des détenus coupable de grands crimes ou de grand banditisme, la première conséquence à tirer de cette affaire, c'est que il faut les séparer. Alors, les séparer, ça ne veut pas dire qu'on reconstitue forcément des quartiers spéciaux, mais il faut prévoir des dispositions pour permettre cette séparation d'être effective et pour que des bandits de grand chemin, des truands de grand chemin, ne puissent pas bénéficier d'une aventure telle que celle qui s'est déroulée ce matin. Voilà, alors puisqu'on a écouté le ministre de la Justice, parlons de la justice. Il a pris très cher la première condamnation, on y reviendra, mais plus tard, lorsqu'il était en quartier d'isolement. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il a humilié la justice en s'évadant, c'est pour ça qu'il prend si cher. Il a pris cher, oui, au début, et puis après, il tire sur les policiers quand même. Il a logé 3 balles dans le ventre de policiers, donc après l'évasion, le 26 septembre 86, et en retour, lui, il se prend une balle dans le cerveau. Moi, il m'a fait toucher sa tempe. On sent encore la balle qu'on ne peut pas extraire. Il a toujours cette balle ici. Mais lui, il prend très cher derrière, parce qu'il a tiré sur la police. Voilà. C'est quand même un peu le jeu. C'est ça. C'est plus pour ça que le fait de s'être évadé, d'avoir humilié l'administration pénitentiaire. Ah oui, moi, je pense. Oui, franchement, c'est clairement ça. Et ce type, il va avoir quand même une force de caractère hallucinante, parce que c'est vrai que quand il atterrit en cellule, donc en quartier de haute sécurité, après du coma, il a cette balle dans la tête, il est hémiplégique, il n'arrive plus à parler, il n'arrive plus à marcher, et c'est lui qui va se rééduquer tout seul grâce à des techniques de yoga qu'il m'a expliqué, mais je serais incapable un truc de retournement de conscience, il m'expliquait du yoga pour essayer de bouger les mains, les bras et les jambes, et ça finit par marcher. Pour se rééduquer, enfin la parole, il récitait devant un miroir. Enfin, il essayait, parce qu'au début, il n'y arrivait pas. « Je vous salue, Marie !» C'était son truc. Et puis, il rampait par terre. Il rampait, quoi. Et mois après mois, il va réussir quand même à se remettre sur pied. Et c'est là où il demande à Nadine de recommencer, de revenir le faire évader. Et elle dit non. Elle dit « Écoute, on a 2 enfants, je veux élever les enfants. » Plus son premier enfant à elle. Elle a quand même accouché 2 fois en prison des enfants à cause de lui, donc elle veut plus rempiler. Et lui, il insiste, il dit non mais attends, tu vas quand même pas me laisser 25 ans en conserve comme ça, une espèce de caveau que représentent à l'époque les quartiers de haute sécurité. Mais elle ne veut plus. Et voilà, donc lui va finir quand même, bon, après l'échec, il retrouve une autre nana pour essayer de le faire évader. 2 fois de suite, c'est un échec, Jamila n'y parvient pas. C'est un mauvais remake, en fait. Ouais. Et par contre, Nadine, ce qu'elle n'a pas trop supporté, c'est que quand Michel finit par sortir par la grande porte, à 54 ans, dont 27 ans quand même de prison, soit la moitié de sa vie, il fait la publicité autour de son livre, il se montre à la télé, il parle de lui, de son histoire, sans d'ailleurs, au passage, dire que c'est Nadine qui l'a fait évader, mais enfin, à la limite, c'est pas grave. Mais tout le monde le sait. Aux yeux de Nadine, ouais, c'est surtout qu'il n'a pas préparé les enfants, il n'envoyait pas de cartes pour les anniversaires des enfants, pour Noël, donc il faisait comme si leurs enfants n'existaient plus, et tout d'un coup, il réapparaît à la télé sans avoir vu les enfants avant. Et ça, elle a trouvé ça extrêmement dur, quoi, Nadine. Et elle, comment dire, entre-temps, elle avait refait des études, parce qu'au départ, elle est sténodactylo, Nadine, hein, à 17 ans, elle est sténo. Et ensuite, après l'évasion et après sa libération de prison, donc avec un deuxième enfant, elle va retravailler comme secrétaire et repasser des concours. Elle va passer l'équivalence du bac, une licence d'art plastique. Là, elle fait des peintures, elle peint des paysages, des choses un peu bucoliques, des portraits aussi. Et elle passe les concours de la fonction publique pour être secrétaire administrative, ce qu'elle est toujours. Mais en 92, après le film La fille de l'air, elle a été vue, elle, à la télé, et elle était employée à l'époque comme secrétaire administrative dans un musée des Hauts-de-Seine, et dans un département, il y avait Charles Pasqua, voilà, et elle s'est fait virer. Donc il a fallu recommencer, retrouver un travail, élever les enfants, enfin, bref. C'est... Bien sûr, bah oui, ils ont eu chacun une pente à remonter qui était dure. Oui. Je repense au début du récit, quand il prend sa première condamnation, qui est vraiment très lourde. On peut se demander si parfois la justice ne fabrique pas des délinquants. Ouais, non, mais ça c'est vrai. La première terrible, condamnation, elle, voilà, elle est hors de prix, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et on en voit d'autres cas comme ça où la première condamnation parfois était si lourde que du coup le détenu, bah, il voit pas l'issue, quoi. Donc l'issue, c'est quoi? Il y a beaucoup de taulards qui rêvent de s'évader et qui passent leur temps à penser à ça, à imaginer des plans. Alors Vaujour en fait partie et il en a réussi quand même 6 évasions. Il nous reste quelques secondes. Bon, a priori, ils ne sont pas allés à l'étranger. Non. L'ancien policier dit, mais si, ça tient. Ils sont allés ou pas? Non, ils sont bien pas restés allés. En France, on est bien d'accord. Ils sont restés en France, ils ont acheté un mât dans la Drôme. Nadine, à un moment donné, a tenu une brocante. Il avait des faux papiers, il s'était fait refaire, il avait fait la chirurgie esthétique. Oui, on l'a dit. Son rêve, quand même, à lui, c'était de partir en Argentine. Sauf que pour ça, il fallait amasser de l'argent, donc il a fait des braquages, et puis il n'y a pas eu assez d'argent, et hop, il s'est fait arrêter. Merci infiniment Patricia Touranchon. En 2009, l'affaire Vaujour était le sujet d'un documentaire de Fabienne Godet intitulé « Ne me libérez pas, je m'en charge ». Moi je trouve que tout est dit et ce sera le mot de la fin. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Michel Vaujour et son évasion spectaculaire et l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain dans la fiction, nous parlerons de Star Wars. Merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Adrien Cara, Simon Maisonneuve et Jean Bulot. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Lecture, Philippe Hirard et Cécile Ribocayol. Réalisation, Fabrice Lègle et Jérôme Boulet.